Dans Parole d'expert, Fabien Noirot, directeur du développement Grand Compte et ESS chez Harmonie Mutuelle, nous parle de l'absentéisme en entreprise. L'absentéisme touche 50% des salariés. Chez Harmonie Mutuelle, nous aidons les entreprises à trouver des solutions pour limiter l'absentéisme. Nous proposons aussi une couverture prévoyance complète et sur mesure pour éviter ou limiter la perte de revenus des salariés. Enfin, la garantie prévoyance s'opère dans un cadre fiscal et social avantageux pour l'entreprise. C'est du gagnant-gagnant. Plus d'infos sur harmonie-mutuelle.fr. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Ce vendredi, évoquons une actualité au sens large, quelque chose qui s'est installé dans les vies de beaucoup d'entre nous depuis plusieurs années, les séries télévisées. Les séries et les philosophes, c'est notre sujet de ce matin. Elles ne sont plus toujours commandées par des chaînes de télévision, les séries sur lesquelles nous nous jetons parfois avec ardeur, une fois le week-end arrivé. Ce sont désormais de grandes plateformes de diffusion, comme Netflix, qui contribuent aussi à leur production. Il reste que c'est sur nos petits écrans personnels, télévision ou ordinateur, que nous les consommons. Ces nouvelles fictions filmées sont les descendantes des anciens feuilletons, mais elles sont très différentes, nous allons en parler. Ce sont souvent des scénaristes et cinéastes de qualité, fatigués de l'industrie hollywoodienne, qui ont commencé à les proposer à partir de la fin des années 2000. Un nouveau ton est apparu, dont la chaîne américaine HBO a été l'emblème. Et puis, beaucoup de pays ont développé leur touche spéciale dans leur série. Le phénomène a intéressé certains philosophes assez tôt, en particulier Sandra Laugier, qui est présente ce matin avec nous. Ses écrits soulignent tout ce que les personnages de séries nous apprennent de la vie moderne, eux qui vivent avec nous plusieurs semaines, qui évoluent, qui s'adaptent à des situations diverses. Mais aujourd'hui, des travaux apparaissent qui sont parfois plus critiques. Est-ce le retour d'une vieille querelle d'intellectuels à propos de la culture populaire ? Est-ce le signe que les séries sont elles-mêmes dans un creux, un moment moins intéressant qu'auparavant ? Et est-ce que cela se voit ? Nous en parlons ce matin. Bonjour Sandra Laugier. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Vos travaux sur les séries sont nombreux, précisés sur le site de notre émission. Je citerai juste le collectif que vous venez de diriger aux éditions du CNRS, Les séries, laboratoire d'éveil politique. Avec nous aussi Hugo Clément, bonjour. Maître de conférences en esthétique et philosophie de l'art à l'université Gustave Eiffel. Vous avez fait paraître en 2022 aux presses universitaires François Rabelais de Tours un livre intitulé « Serial Philosophy », le paradoxe des séries télévisées. Vous nous expliquerez ce qu'est ce paradoxe que vous évoquez. Enfin, bonjour Bertrand Cochard. Bonjour. Vous êtes philosophe spécialiste notamment de Guy Debord. Vous enseignez à l'école municipale d'art plastique de Nice. Vous êtes membre d'une association qui s'appelle Lève les yeux, qui critique, je crois, la domestication des regards et des spectacles en cette heure de gloire des écrans. Et pour vous, les séries, eh bien, ce n'est que du vide à la demande. Titre du livre que vous venez de publier aux éditions L'Échappée. De quoi, ce matin, nourrir un beau débat entre vous trois, je l'espère. Ce que les gens aiment voir, c'est le... Dallas quand même, le schématique. Ah mais Dallas, c'est pas mal. Il y a quand même pas mal, c'est une référence comme ça, il y a un certain travail. Moi j'aime bien, mais... Moi, j'aime bien voir Dallas, mais pas tous les jours, pas toutes les semaines. Pas toutes les semaines. Pas toutes les semaines, c'est trop. Ou, ce qui n'est pas juste, c'est qu'il n'y ait que Dallas, parce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait voir toutes les semaines, qui sont mieux que Dallas, mais d'une autre manière. Mais il y a quelque chose. Si Dallas plaît, c'est qu'il y a quelque chose. Moi, ça me plaît beaucoup, mais pas toutes les semaines, pas comme ça. Et ça ne doit pas... Ce qui me gêne dans Dallas, ce qui fait que je ne regarde pas toutes les semaines, c'est que la même semaine où passe Dallas, il n'y a pas cinq trucs qui pourraient être faits d'une seule manière. Il n'y a que le truc américain. Et que le truc américain qui est d'une certaine qualité moyenne, si vous voulez, qui correspond à quelque chose, il n'y a plus de concurrence. Il n'y a pas de concurrence parce que personne ne sait raconter ce genre d'histoire comme il le raconte. comme personne ne sait faire aussi bien les inventaires. C'est pas vrai du tout. C'est qu'il y en a d'autres, mais on n'en veut pas. C'est pas vrai du tout. Un conteur arabe raconte de manière absolument merveilleuse. Autrement, on n'en veut pas. Si on préfère les Américains, ben ils les ont, ils les aiment. On va pas mettre un conteur arabe sous-titré à la télévision à 20h30. Mais vous mettez bien un conteur américain doublé. Et parce qu'on est complètement avalé par la civilisation américaine. Mais parce que vous aimez bien vous faire bouffer. C'était Jean-Luc Godard au Festival de Cannes en 1982, une archive de TF1 où il parlait, vous l'avez entendu, du feuilleton, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, Dallas. Alors il y a une petite touche de « Ah ben si ça plaît autant, ça doit pas être tout à fait mal ». Et puis il y a une touche de il y a quand même beaucoup d'hégémonie américaine sur ces produits culturels populaires. Est-ce que tout ça, c'est fini, Sandra Laugier? On ne peut plus parler comme cela. Il y a plein de pays qui diffusent des séries. C'est un peu plus que juste intéressant parce que tout le monde s'y intéresse. Enfin, c'est fini la critique de Jean-Luc Godard? Pas terminé du tout, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que les choses ont évolué. Que effectivement, on a des séries produites dans le monde entier. Il y a des séries en arabe hein, que beaucoup de gens regardent, y compris dans d'autres pays, hein, y compris aux États-Unis et en France. Et c'est vrai que Netflix, dont on va pas mal parler, puisque ça a eu certainement des effets peut-être négatifs, mais ça a permis aussi une diffusion, une circulation mondiale de ces séries. Et j'apprécie malgré tout beaucoup ce que dit Godard, parce que bien sûr, hein, il aime bien regarder certaines séries. C'est vrai qu'il y a un plaisir qu'il va reconnaître, mais il regrette qu'il n'y ait que des séries américaines. Je crois que maintenant, en tout cas, il y a par exemple des séries françaises qui sont absolument excellentes, probablement les meilleures du moment. Il y a beaucoup de séries aussi dans le monde entier. Pays. Donc la question de l'hégémonie américaine n'est plus vraiment centrale. Il y en a encore beaucoup des séries américaines, mais c'est vrai que les séries norvégiennes, Real Human, israéliennes, Fauda, The Killing ou Borgen au Danemark, La Casa de Papel en Espagne. En Italie, il y a beaucoup de séries, il y a aussi très bonnes séries. Donc après, l'hégémonie américaine, elle existe encore. C'est certain. Bon, alors cela dit, je me tourne vers vous, Bertrand Cochard, vous qui êtes le plus critique des trois ce matin à l'égard de ces produits, de ces produits qui nous sont servis là et que nous sommes, qui créent même parfois de vraies addictions. On parle de binge-watching, je crois, on dit comme ça. Oui, les gens binge-watching, binge-watching. Sur le modèle du binge-drinking, c'est-à-dire On avale ça en grande quantité d'alcool. Ouais. Parfois, tout un week-end, toute une nuit, on prend sur son temps de sommeil. Vous, j'ai l'impression que peut-être vous entendez dans les propos de Jean-Luc Godard quand même un peu plus de causticité. Parce que voilà, Sandra Laugier l'a tiré vers c'est quand même intéressant, puis maintenant que ce n'est plus que américain, peut-être serait-il moins dur. Mais vous, en tout cas, avec ou sans Jean-Luc Godard, Bertrand Cochard, je crois que vous êtes très sévère. Non, je ne crois pas être très sévère, parce que contrairement à Jean-Luc Godard, dans mon livre, je ne fais pas une critique des séries en termes de contenu. Peut-être qu'on pouvait la faire au moment des feuilletons, parce que bon, voilà, on a tous une grand-mère qui regardait Arabesque ou Dallas. Bon, mais je crois que maintenant, elle a moins de sens cette critique qui consiste à dire, voilà, il y a de bonnes séries, il y a de très mauvaises séries. Moi, j'essaye plutôt d'analyser la série comme une forme, et notamment en fait comme une forme qui consomme énormément de temps libre et qui participe à la surexposition aux écrans. Donc je considère qu'il y a des séries de très grande qualité, comme il y a des séries de piètre qualité. Et cet argument, finalement, j'essaie de l'écarter le plus vite possible, parce que ça nous conduit à des positions relativistes. Donc. Mais je voudrais pas me tromper sur votre critique. Dans votre livre « Vide à la demande », j'ai quand même l'impression, enfin, vous ne pouvez pas faire une critique aussi radicale de cette aliénation. Je vais employer un vieux mot, mais je pense qu'il vous plaît encore. Une aliénation. Oui. Voilà, on est d'accord. Cette aliénation des travailleurs que nous sommes qui, dès qu'ils ont un temps de loisir, se ruent vers cette consommation passive. Tout ce que vous dites, vous ne pouvez pas tenir cela sans avoir un propos sur les contenus. Si c'était très très bien, ces contenus, vous ne seriez pas aussi sévère. Eh bien, si, parce que, précisément à cause de l'exposition aux écrans. C'est-à-dire qu'indépendamment du contenu et puis indépendamment du bon ou du mauvais usage, jusqu'à preuve du contraire, pour regarder une série, il faut être devant un écran. Et on sait désormais, et c'est bien documenté, que ça a des conséquences délétères sur notre attention, sur évidemment notre sommeil, sur la sédentarité. Et puis aussi, ça a des conséquences écologiques, parce que regarder un épisode d'une série en 4K, ça consomme énormément d'énergie. Écoutez, je voudrais pas qu'il y ait de malentendu. Vous n'êtes pas quelqu'un qui fait de la santé publique. La sévérité de vos propos, et c'est pas moi que ça dérange, franchement, j'adore le débat, évoque quand même la qualité de ses œuvres. Certes, c'est pas mal, c'est mieux que Dallas et autre chose d'avant. Dallas, c'est pas si mal. En plus. Les premières vraies séries, en fait, avec un arc, voilà. Mais bon, enfin, vous dites quand même qu'il y a tout un tas d'intellectuels qui profitent. Alors, vous visez peut-être les deux personnes, Hugo Clément va parler aussi, qui ici, dans ce studio, trouvent que c'est intéressant intellectuellement, philosophiquement, politiquement. Mais pour vous, franchement, vous dites que ce sont des experts qui adaptent leur discours au goût des gens, je cite votre introduction, qui essayent de ne pas dire du mal des films qui plaisent. Mais en fait, vous n'en pensez pas moins de ces films. Oui, alors, c'est certain que ma critique des séries, c'est une critique qui s'inspire de mes travaux sur Debord. Et donc, c'est une critique qui consiste à placer les séries à l'intérieur du système social et économique dans lequel on se trouve. Donc, de ne pas faire une critique indépendante des séries, pour montrer comment aussi elles s'inscrivent dans un modèle économique, dans un rapport au temps. Elles nous incitent à réfléchir sur notre rapport au travail. Mais il est vrai que, aussi sur la question du contenu, je doute, je pense que là il va y avoir débat, je doute qu'elle soit si émancipatrice que cela, d'un point de vue moral et politique. C'est ce débat-là qu'on veut avoir. Oui, on peut l'avoir. Vous voyez, moi j'ai l'impression que par exemple, voilà, j'ai regardé Black Mirror, et donc Black Mirror c'est une série qui est technocritique. Bon, en revanche, je vais prendre un épisode, par exemple, il y a un épisode où c'est celui du crédit social, donc vous voyez où on se note tous. Bon, qu'est-ce qu'on apprend dans cet épisode? On apprend qu'on est trop sur nos téléphones et on apprend que ça crée des hiérarchies sociales. Moi, j'ai l'impression qu'en regardant autour de nous, dans les transports en commun, on pourra peut-être constater la même chose. Et qu'en tout cas, moi, ce que j'ai appris de technocritique dans Black Mirror, ça m'est venu plutôt d'ailleurs des outils que j'ai construits en lisant Debord, Anders, Castoriadis, Arendt, Ellul, etc. On va prendre d'autres exemples aussi. Peut-être discuter celui que vous venez de donner, mais je voudrais tout de suite donner la parole à Hugo Clément. J'ai retardé votre prise de parole parce que, bon, Sandra Laugier, elle écrit depuis de nombreuses années maintenant sur les séries. Tout de suite, j'ai bien vu dans la culture populaire, vous battez pour dire qu'il y a plein de choses intéressantes et on va développer. Mais vous avez Bertrand Cochard face à vous, là, Hugo Clément, qui vient d'écrire un livre extrêmement critique. Et vous avez écrit assez récemment, Hugo Clément, et est-ce que vous aviez conscience du fait que vous apparaissez dans un moment où des propos beaucoup plus critiques qu'il y a peut-être 5-6 ans sont en train de se déployer? Non, j'avais pas conscience que cette critique allait revenir, parce que pour moi c'est juste un retour à des critiques qu'on a déjà lues dans les années 70-80 à propos du cinéma, et spécialement le cinéma populaire. Donc je ne savais pas que ça allait se produire, mais voilà, ça se produit. Et j'en suis ravi parce que je me reconnais beaucoup dans la posture de Bertrand Cochard. Ah bon ? J'ai pas eu cette impression. C'est quelque chose qui, dans cette façon d'aborder, puis de prendre au sérieux une position philosophique, je trouve ça remarquable. Ce qui n'empêche pas, après, que j'ai quelques critiques à formuler à l'encontre du contenu de l'ouvrage et des critiques qui sont formulées. Mais l'écriture de ce livre, elle est finalement, oui, assez récente, hein, la publication 2022, mais ça renvoie à une pratique chez moi plutôt qu'une théorie, c'est-à-dire une pratique pédagogique en direction d'élèves de milieux populaires dans le cadre de l'école publique, enfin du lycée public notamment, et j'ai toujours été convaincu par ce que m'avait dit un ancien professeur qui vient assez souvent ici, qui s'appelait Denis Moreau, spécialiste de Descartes, qui disait « il faut aller là où il pense ». Aller là où il pense, ça veut dire aller là où les élèves, les étudiants, et puis finalement la plupart des gens pensent. non pas pour spécialement y rester, même si il y a vraiment de quoi y rester, je pense, pour les séries télévisées notamment, mais en fait pour les amener aussi à d'autres médias de la pensée, et notamment les livres, et particulièrement la philosophie. Qu'est-ce que vous faites avec vos élèves? Vous discutez des séries? Vous passez pas votre temps à les regarder, je présume. Vous supposez qu'ils les regardent et vous analysez ensemble? Ça, c'est une difficulté assez pratique, c'est de pouvoir parler d'objets séries qu'ils connaissent et de trouver le moyen de leur faire découvrir s'ils ne connaissent pas. Mais j'ai pu assez longtemps travailler, notamment grâce aux grandes séries populaires comme Game of Thrones, parce que là c'était des séries qu'ils connaissaient ou qu'ils cherchaient à connaître, parce que tout le monde en parlait. C'est une chose sur laquelle Sandra Logier a beaucoup écrit, de dire qu'avec les séries télévisées, on retrouve quelque chose comme une culture populaire partagée à un âge où on a une dispersion, dissémination des références culturelles. Qu'est-ce qui est intéressant, si vous deviez dire assez rapidement, quels sont les points vraiment intéressants que vous voulez développer avec vos étudiants quand vous parlez des séries avec eux ou vos élèves? Bien, déjà, une des questions qu'on peut poser, c'est celle de l'expérience qu'on fait de ces séries. C'est-à-dire partir de ce qui se passe en nous, non seulement du point de vue de nos pensées, mais aussi de nos émotions, et essayer de comprendre pourquoi ça se passe, non pas simplement pour les comprendre pour elles-mêmes, mais aussi pour mieux comprendre la série télévisée. Je pense que l'intérêt d'une démarche critique, esthétique, philosophique, il se voit dans les résultats du point de vue de la perception qu'on a de l'œuvre. C'est à cela, à mon sens, qu'on doit juger. Qu'est-ce qui est intéressant dans Game of Thrones? Si vous deviez la vendre, si j'ose dire, à quelqu'un qui ne l'a pas vue, trouve qu'il y a quand même beaucoup de violence et de goût du difforme, du lait, du trash, et qui voudrait philosophiquement ressentir, peut-être pour y retourner, pour réessayer, un enjeu fort. Qu'est-ce que vous lui diriez, vous, Hugo Clémaux? Alors, ce que je lui dirais, ça tiendrait pas dans le format de cette émission, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire. Mais je pourrais lui dire, par exemple, que c'est une série qui n'hésite pas c'est un spoiler, donc faire que le personnage principal auquel il s'est attaché meurt à la fin de la première saison, ce qui fait qu'on se demande ce qui va pouvoir se passer ensuite, quelque chose qui se fait quand même assez rarement. Je dirais que c'est une série où tous les êtres humains, quelles que soient leurs caractéristiques ou ce qu'on appelle aujourd'hui leur identité, sont représentés et peuvent jouer un rôle. C'est une série qui est foncièrement démocratique de ce point de vue-là. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la dernière scène. C'est la question de la démocratie qui est reposée dans cette dernière scène du dernier épisode. Et je dirais également que c'est une série qui prend en charge des angoisses contemporaines, comme par exemple la solastalgie ou l'éco-anxiété, puisque l'idée récurrente que l'hiver va venir, eh bien, c'est juste un retournement de l'idée que le réchauffement climatique est là et va continuer. Bon, alors... C'est drôle. Moi, j'aurais plutôt parlé de politique et de conflit. Mais bon, enfin, je vous laisse analyser. Alors maintenant, Sandra Logier, on va avoir un vrai moment là avec vous. Je voudrais vraiment que vous puissiez déployer vos thèses, vos avis sur les séries qui sont parfois très subtiles. Alors d'abord, tout à l'heure, vous avez dit, mais même Dallas, c'est bien. Franchement, Sandra Logier, c'est sans commune mesure. Enfin, disons-le quand même, avec ce qui se passe, allez, dans Fauda, dans House of Cards, dans Le Bureau des Légendes, dans Borgen, dans The Americans, enfin, tout ce sur quoi vous écrivez, il y a quand même un moment où vous n'allez pas pouvoir dire du bien uniment de tout, si? Il va falloir serrer un peu, non, si j'ose dire. Je pense qu'en effet, il y a des séries qui sont plus ou moins bonnes, et il y a tout un corpus de séries absolument magnifiques et qui émergent beaucoup avec HBO au tournant du siècle. Mais je voulais rappeler malgré tout qu'il y a une histoire de la télévision et que, en réalité, la série émerge justement. Le genre, hein, série émerge avec Dallas et Dynasty parce que on a vraiment des séries qui ne sont pas seulement une histoire par épisode, mais qui vont en fait avoir ce qu'on appelle un arc narratif où on va suivre des personnages pendant des années. Et ça, même si avec Dallas et Dynasty, on en a une forme assez primaire et qui n'est pas de très très grande qualité, en réalité, c'est une étape dans l'histoire des séries, comme ensuite, on a une étape très importante important dans l'histoire des séries dans les années 90, avec Urgence et À la Maison Blanche, hein, qui sont des séries qui ne sont pas du tout HBO, qui sont des séries grand public, mais qui vont aussi avoir cette capacité à nous attacher à des personnages au long cours, à poser aussi des problèmes politiques et sociaux, parce que on a vraiment toutes les questions sociales du moment, les questions... J'ai plutôt envie de vous parler, excusez-moi, mais sur les années 90, moi aussi je m'y suis mise doucement. Voilà. C'est plutôt Ally McBeal, parce que vous avez Ally McBeal, c'est une personnage féminin extrêmement attachant. Je suis comme plein de gens, j'ai des souvenirs d'avoir vécu avec elle. Personnellement, c'était l'époque où j'écrivais ma thèse, donc vraiment ça... Et comme plein de gens, ça rythmait, puis c'était cette célibataire qui était un peu dans la loose et en même temps qui était charmante dans un cabinet d'avocat à Boston avec ce sourire, cette énorme bouche. Il y avait beaucoup de rêves, il y avait Barry White derrière, n'est-ce pas ? Il y avait la musique. Et alors sur le plan féministe, c'est qu'est-ce qui est né là qu'ensuite les séries d'aujourd'hui ont prolongé, c'est un point qui vous tient beaucoup à cœur. Ah, mais tout à fait, je crois que, mais je vous remercie de dire cela parce que ce moment des années 90, où il y a aussi Friends, où il y a, en réalité, il faut pas l'oublier, c'est là qu'il y a eu des avancées extraordinaires. Ally McBeal, c'est quand même une série de David et Kelly, qui ensuite a fait Big Little Lies, qui a fait plusieurs séries qu'on regarde encore maintenant, hein. Donc, c'est vraiment une continuité, en fait, dans la série de qualité de Ally McBeal, à aujourd'hui. Et en effet, c'est déjà dans les années 90 qu'on a des premières avancées féministes dans les séries, qu'on a Ally McBeal, que une des premières séries de HBO, c'était Sex and the City. On oublie que c'est HBO. Aussi, hein. Également... Et pourquoi c'est important ? Qu'est-ce qu'on voit là comme type de femme qui, pour vous, fait changer la société ? Alors déjà, on voit des femmes. Alors, c'est extrêmement important puisque les séries télévisées ont été un lieu, même simplement, de casting, en fait, de femmes. Parce que, comme elles s'adressaient à un public domestique, au départ, eh bien, il y a eu beaucoup plus de, finalement, d'ouverture dans les personnes qu'on pouvait recruter pour jouer dans les séries, hein. C'est pour cela qu'il y a eu, ne serait-ce que la présence physique des femmes à l'écran, et même une série qui n'était pas suffisamment féministe comme À la Maison Blanche, eh bien, elle a mis en avant des personnages de femmes quand même très, très forts, comme C.J. Craig. Déjà... Des femmes au bureau, des femmes qui subissent des humiliations, des femmes qui y répondent, c'est ça ? Exactement. Et donc, il y a déjà... simplement cette présence qui a permis ensuite que, avec les séries HBO, il y ait eu vraiment de plus en plus de personnages de femmes, de personnages de minorités aussi, hein, qui soient présents. Alors, il y a l'exemple de The Wire, hein, qui est vraiment une série très classique pour cela. Et puis, petit à petit, il y a eu de plus en plus de séries centrées sur les femmes. Donc, c'est vrai que ça a été un lieu vraiment... d'émancipation, hein, pour moi. Alors bien sûr, Bertrand sera pas d'accord, hein, parce que, mais je crois que si on n'est pas d'accord, c'est que finalement, c'est sur le fait que ces enjeux, donc féministes, ces enjeux de race, soient en réalité des enjeux qui pour moi sont premiers en fait. Alors avant qu'il réponde, voilà. Peut-être que vous puissiez avancer encore plus de billes pour que l'argumentation soit encore plus dense. Aujourd'hui, parce que aujourd'hui, par exemple, enfin, moi je vous dois par exemple, parce que je vous connais, je vous ai demandé des conseils sur les séries, je vous dois d'avoir regardé Mrs. America. Alors, Mrs. America, c'est l'histoire vraie de Phyllis Schlafly, qui était une femme républicaine anti-féministe et qui a essayé d'empêcher un certain nombre de combats féministes dans les années 70. Et elle est incarnée magnifiquement par Cate Blanchett. Et il y a des grandes figures du féminisme américain dedans. Gloria Steinem, incarnée par Rose Byrne. Il y a Betty Friedan, la féministe qui a écrit La femme mystifiée en 1963, qui est incarnée par l'extraordinaire, je l'adore, Tracy Ullman. Qu'est-ce qui est important là ? Pourquoi de montrer cela à être émancipateur pour ceux qui regardent. Alors, c'est une série relativement récente c'est vrai que elle est assez extraordinaire puisqu'on pourrait se dire mais pourquoi aller montrer une femme qui était une anti-féministe et qui d'ailleurs ensuite a été vraiment extrêmement réactionnaire, a soutenu Reagan, etc. Donc il y a vraiment un moment particulier qui permet de faire ça. Alors d'abord, c'est vraiment sur cette femme antiféministe, mais ça permet de raconter toute l'histoire du féminisme, oui. Avec toutes ces grandes figures, avec Bella Abzug, Betty Friedan, etc. Ça permet aussi de montrer à quel point, d'ailleurs, le Parti démocrate n'a pas tellement soutenu non plus. Il y a tous les débats, femmes, après il y a tous les débats. La question des féministes lesbiennes, la question des féministes noires. Voilà. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'elle va en fait oser mettre en évidence des contradictions aussi, des difficultés historiques dans le féminisme. Et surtout, et c'est ça en fait l'argument que j'ai très régulièrement à propos des séries, c'est que c'est une série qui est vraiment exigeante en fait par rapport à l'histoire. Et par rapport à son public, à ses spectateurs et spectatrices. C'est-à-dire que cette série, mais comme The Americans, comme récemment la série française d'Argent et de Sang, par exemple, une série absolument extraordinaire, ce que je veux dire, c'est que c'est des séries qui vont, en réalité, demander vraiment beaucoup aux spectateurs et considérer que les spectateurs sont absolument capables d'avoir un esprit critique. Alors maintenant que vous avez développé votre propos, on a donné des exemples sur les aspects émancipateurs des séries, y compris pour ceux qui, enfin surtout pour ceux qui regardent. Je voudrais savoir, Bertrand Cochard, ce que vous avez à redire à cet enthousiasme, parce qu'il y en a chez Chandra Logier, et à cette analyse qui s'accroche quand même à des réalités cinématographiques intéressantes. Oui, mais je dis pas que les séries peuvent pas, à la marge, refléter un certain nombre de problèmes sociaux. Je ne dis pas non plus le fait que c'est mal finalement que les séries s'emparent de la question des minorités. Enfin, je veux dire, c'est très bien qu'on soit plus autant de Thierry Lafronde, où le personnage est blanc, masculin et vient sauver des demoiselles en détresse. Donc ça, je le nie absolument pas. Simplement, ce que j'essaie, c'est de décaler la critique pour ne plus m'intéresser au contenu, m'intéresser à la forme. Et ce que je cherche à analyser dans le livre, c'est voilà, qu'est-ce que la consommation addictive de séries nous dit sur notre rapport au temps libre. Et la thèse que je développe dans ce livre, c'est qu'il existe un rapport étroit entre le temps libre et le temps de travail, et qu'en réalité, les séries, c'est une activité qui est... Enfin, regarder une série, c'est une activité particulièrement profilée pour s'adapter à nos modes de vie contemporains, parce que précisément à la fin d'une journée qui a dilapidé notre énergie et notre attention disponible pour faire autre chose, on va se tourner vers des activités qui ne réclament pas cette énergie et cette attention. Et je me réfère à mon expérience de spectateur, mais aussi ce que j'ai pu lire dans, par exemple, chez Clément Combe, qui est sociologue des pratiques sériephiles. En fait, il dit, voilà, quand on est fatigué à la fin d'une journée, on va plutôt avoir tendance à aller se tourner vers une série, vous voyez? C'est-à-dire, plutôt que de faire quoi? Plutôt qu'une activité qui, je sais pas, qui serait, en fait, à elle-même sa propre fin. Alors, je reviens là-dessus. C'est-à-dire que moi, je crois que l'une des forces des séries, c'est justement qu'elles consomment du temps, qu'elles consument du temps. Et que la raison profonde qui fait qu'on va se tourner vers des séries, à la fin d'une journée, c'est précisément qu'on va demander aux séries de nous placer dans des tunnels fictionnels consistant à faire avancer le temps à notre place, à rythmer le temps à notre place. Alors, le sujet que vous traitez, qui est celui de notre rapport au temps, au travail et au loisir, on va y revenir, mais les contenus, encore une fois, qui sont proposés là, peuvent quand même permettre d'introduire d'autres concepts. Alors, je voudrais évidemment faire droit au philosophe qui est souvent cité pour défendre la culture populaire, c'est Stanley Cavell, vous en parlez énormément, Sandra Logier, mais vous aussi, Hugo Clément. Moi, je n'ai pas tout compris chez Cavell, notamment cette histoire de perfectionnisme. Je voudrais vous m'expliquer un petit peu après, mais écoutons d'abord un extrait de Cavell où il ose dire que pour faire de la recherche en philo et de l'enseignement, eh bien, Frank Capra est aussi utile qu'Emmanuel Kant. On l'écoute. Quelles que soient les défenses que je pourrais déployer, j'ai bien conscience de prêter le flanc au scandale en examinant des films hollywoodiens à la lumière de grands textes philosophiques. Ma conscience de la fureur que cela peut provoquer a connu son apogée quand j'ai présenté une première version du chapitre consacré à un colloque universitaire intitulé « Intellect et imagination, limites et présupposés de la recherche intellectuelle ». Cet essai débute par ce qui constitue dans ce livre le développement philosophique le plus long, un exposé qui touche la pensée d'Emmanuel Kant. Et ce qui vient ensuite, c'est la discussion d'un film de Frank Capra. Même pas d'un film esthétiquement ambitieux, ou d'un film triste et ennuyeux, d'un film étranger ou exotique ou d'un film muet. Je voulais faire de ma contribution même à cette discussion sur les limites et leurs transgressions une petite transgression par sa juxtaposition indécente de sujets. En présentant cet essai au colloque, je donnais trois raisons pour cette transgression, autrement dit pour avoir cherché à exprimer un certain scandale. D'abord, je voulais profiter de l'occasion pour reconnaître le fait que la philosophie telle que je la comprends est vraiment, et de façon inhérente, scandaleuse. Elle cherche à troubler les fondements de notre vie et à nous offrir en compensation rien d'autre qu'elle-même. Et puis, si j'ai juxtaposé Kant et Capra, c'était pour suggérer qu'il est impossible de répondre à la question « cela en vaut-il la peine ?» avant d'en avoir fait soi-même l'expérience. En tout cas, c'est impossible dans le cas de Capra et dans celui de Kant. Dans le cas de Capra, je ne compte pas simplement sur la capacité de notre brillante intelligence à s'appliquer à pratiquement n'importe quoi. Disons que je ne compte pas simplement sur nos capacités à explorer ou à improviser. Ce qu'il nous faut percevoir, c'est l'intelligence déjà appliquée par un film à sa réalisation. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Le philosophe Stanley Cavell a été lu par Carla Michel de notre équipe. Vous venez de l'entendre, il s'agissait d'un extrait de son ouvrage de 1981, À la recherche du bonheur. Il y a un risque, bien sûr, dans un texte comme celui-là, nous dire que, après tout, lire Kant ou regarder Frank Capra des films d'avant la Deuxième Guerre mondiale, enfin tout un tas de films populaires du XXe siècle, c'est pareil, ça nous fait réfléchir autant. Le risque, c'est un peu la position facile et relativiste. Alors, comme vous êtes des grands défenseurs de Capra, Hugo Clément et Sandra Logier, je laisse la parole à l'avocat. Hugo Clément. Oui, alors je pense que personne de sérieux ne va soutenir que c'est la même chose, la philosophie et le cinéma ou les séries télévisées. On ne va pas prononcer les choses, on ne va jamais poser des thèses aussi radicales. Il faut toujours les préciser sans les couper de leur contexte et de l'argumentation qui les soutient. Je partirai de la fin du texte peut-être pour introduire cette idée de perfectionnisme. C'est l'idée qu'il y a l'intelligence appliquée par un film à sa réalisation, une idée qu'on trouve déjà dès le premier ouvrage de Stanley Cavell, La projection du monde, à la fin de l'introduction, dans lequel il dit comment ça se fait qu'un système aussi commercial, avec des gens aussi intéressés par des gains économiques, et pu produire autant de chefs-d'œuvre. Et des chefs-d'œuvre, ça veut dire des produits d'intelligence. Donc ça, c'est le point de départ. Il y a une intelligence qu'on ne doit pas mépriser dans le film, mais il faut aller la chercher, il faut aller la découvrir. Si on se penche sur cette intelligence, on s'aperçoit que parfois, les films peuvent proposer des théories, des concepts que même les philosophes, en fait, ne proposent pas. Par exemple, sur la question du mariage, la question des différents mythes du mariage qu'on peut trouver dans le théâtre, chez Shakespeare, chez Ibsen, dans Une maison de poupée, et puis finalement dans ces films des années 30-40, où la problématique s'est déplacée. Mais c'est toujours une problématique qui est contemporaine, c'est-à-dire qui parle aux spectateurs et qui permet à ces spectateurs de trouver des situations, des mots, des actions qui vont correspondre à leurs problèmes. À partir de là, on va trouver dans cette comédie du remariage un mythe qui pose la question de l'éducation de la femme, c'est-à-dire comment on va faire pour que, enfin, l'égalité existe à l'intérieur du mariage. Et pour cela, il va falloir que la femme s'améliore, mais bien sûr, il faut aussi que l'homme s'améliore, de façon à lui permettre cette amélioration. Et donc, c'est là où on trouve une racine du perfectionnisme. Le perfectionnisme, d'essayer de résoudre des problèmes en inventant des solutions et de faire changer soi-même et les personnes avec qui l'on vit. C'est ça qui est en jeu dans le concept de Cavell, de perfectionnisme. C'est une dimension essentielle de cet enjeu. Mais ce qui est important, c'est que cette notion de perfectionnisme, elle est trouvée à partir des œuvres, à partir de ces films. Et à partir de là, d'ailleurs, Cavell va la retrouver chez un philosophe américain, Emerson, qui l'a contribué à réhabiliter, et puis dans d'autres œuvres, puisque pour lui, ce n'est pas une théorie morale, mais c'est un courant, une tendance qui va parcourir l'ensemble de la philosophie morale, mais aussi d'un très grand nombre de formes de récits. Sandra Logier sur Cavell, c'est un auteur que vous avez beaucoup contribué à faire connaître en France. Je vous laisse la parole pour nous dire pourquoi c'est important. C'est vraiment un penseur très important, de façon générale, puisque c'est vraiment un penseur aussi de la philosophie du langage ordinaire, de la vie ordinaire, donc tout un ensemble de thématiques qui me sont chères, mais qui sont vraiment rassemblées dans son travail sur le cinéma, puisque c'est vraiment la défense d'une, ce qu'il appelle une pratique ordinaire à son époque, aller voir un film avec des personnes dans une salle obscure. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui, pour lui, est vraiment essentiel à sa pratique philosophique et qui nous fait comprendre, en fait, ce que c'est aussi que l'expérience. C'est la philosophie du quotidien qui est dans laquelle la fiction joue une vraie partition, c'est ça, prend sa part vraiment. Alors, totalement, puisque d'abord, c'est vrai que la fiction s'inscrit, cette pratique de la fiction, comme aller au cinéma et regarder la télévision, s'inscrit dans la vie de tous les jours. Donc, il y a cette espèce d'entrelacement de la fiction, des œuvres dans la vie. Et puis, il y a aussi cette capacité du cinéma, et c'est le sens, en fait, de ce texte, vraiment, à faire progresser chacun. Et surtout, je crois, qu'est-ce qu'a voulu faire Cavell ? Et je suis contente qu'on parle de ce texte, puisque c'est vraiment ça qui m'a encouragée, alors pour le meilleur, pour le pire, à vraiment travailler sur la télévision. Puisque, pour moi, ce que dit Cavell du cinéma, c'est-à-dire le fait que des œuvres populaires aient une puissance philosophique suffisante pour se confronter même à des grandes œuvres comme Kant, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et donc, le fait qu'il y ait des œuvres populaire qui justement soit accessible au plus grand nombre et permette cette par exemple ce progrès moral qu'on a en regardant une œuvre ou qui permette vraiment de comprendre quels sont les moments qui comptent aussi dans un film et dans sa propre vie, c'est un ensemble d'expériences qui je pense peut être transféré en fait du cinéma à la télévision. Et c'est cela, en fait, que je défends. Et c'est pour ça que Cavell est essentiel dans cette défense-là, parce qu'il y a cette défense, effectivement, du populaire en tant que tel, en tant que des œuvres qui peuvent être vraiment accessibles au plus grand nombre, que c'est ça qui est important. Mais aussi, il y a cette idée que eh bien, si on a un certain nombre d'œuvres en tant que telles, qui sont suffisamment puissantes, en fait. Et c'est pour justifier, en fait, qu'il y ait cette importance philosophique. C'est ça qui va justifier qu'on s'intéresse à la télévision. C'est pour ça que, c'est vrai de dire qu'on va s'intéresser que à des pratiques qui sont excessives de regarder la télévision. Je suis tout à fait d'accord, mais en fait, tout ce qu'on dit dans ce que dit Cavell ou ce que je dis dans mes livres n'est possible que parce qu'il y a des grandes œuvres vraiment de télévision. Et c'est alors, ça qui est important. Donc, ça y est, la défense de Cavell, du cinéma populaire, vient d'être prononcée, avec cette théorisation, donc, du philosophe Stanley Cavell, qui vous intéresse beaucoup, Hugo Clément et Sandra Logier. Maintenant, place à l'accusation une nouvelle fois. Ouais, évidemment. Bertrand Cochard, vous avez souhaité, très bon choix, il faut dire, qu'on entende un texte de Günther Anders, auteur de L'obsolescence de l'homme en 1956, qui attaque la télé, qui attaque la radio aussi, qui attaque tous ces médias qu'il considère comme des divertissements aliénants. Je crois que vous empruntez beaucoup à sa manière de réfléchir. On écoute cet extrait de Günther Anders. On ne saurait attendre, d'hommes oppressés dans leur travail quotidien, par l'étroitesse d'une occupation très spécialisée, assez peu supportable, et que l'ennui accable, qu'à l'instant où la pression et l'ennui cessent, après le travail, ils puissent aisément retrouver leur forme humaine, redevenir eux-mêmes, pour autant qu'ils aient encore un soi, ou même seulement le vouloir. Le moment où la dure pression à laquelle ils sont soumis se relâche, ressemble plutôt à une explosion. Et comme ces êtres libérés si soudainement de leur travail ne connaissent rien d'autre que l'aliénation, ils se jettent, lorsqu'ils ne sont pas tout simplement épuisés, sur des milliers de choses différentes, sur n'importe quoi qui puisse relancer le cours du temps, après le calme plat de l'ennui, et les transporter dans un autre rythme, Ils se jettent donc sur la rapide succession de scènes que leur propose la télévision. Rien ne satisfait aussi complètement cette fin si compréhensible d'omniprésence et de changement rapide que la radio et la télévision. Elles favorisent en même temps le désir et son exténuation. Tension et relâchement, rythme et inactivité, dépendance et détente, elles servent tout cela simultanément. Elles nous dispensent même d'avoir à courir après les distractions, puisque désormais, ce sont elles qui courent après nous. Bref, il est impossible de résister à une tentation pareille. Bon, bah Bertrand Cochard, vous buvez du petit lait là. Anders dit exactement ce que vous pensez, aujourd'hui, notamment des séries. Oui, et vous voyez en fait qu'il c'est un texte assez subtil parce que c'est pas un texte qui attaque le contenu à nouveau. C'est-à-dire que ce que Anders tente d'analyser dans ce texte sont les raisons qui nous poussent après une journée de travail à nous lancer sur ce qu'il appelle la rapide succession de scènes proposées par la télévision. Et en fait, ce que va dire Gunther Anders, c'est que ce qui nous pousse à le faire, c'est, alors il le dit, c'est l'horreur du vide, mais c'est surtout le fait que on va confier à la télévision ou à la radio le soin de rythmer le temps à notre place. Et c'est ça que je défends dans mon livre. Je dis que si on confie aux séries le soin de faire avancer le temps à notre place, bah, c'est précisément parce qu'à niveau individuel et collectif, on est devenu incapable ou il est devenu extrêmement difficile de faire avancer le temps. Voilà. Et donc, on préfère se loger dans des tunnels fictionnels qui sont extrêmement bien faits, c'est le cas des séries, pour nous faire oublier les soucis du jour, ceux de la veille, ceux du lendemain, etc. Donc, vous voyez, il n'y a pas de critique en termes de contenu ici. Oui, mais ça, c'est ce qui me dérange un peu. Je trouve que c'est un peu une facilité de ne pas aller chercher le... Je vous dis franchement, on peut très bien mêler votre critique en disant qu'en plus, les contenus sont satisfaisants. Oui, mais alors, justement, ça aussi, c'est un argument que j'essaye d'écarter parce que c'est difficile quand même d'évaluer les conséquences d'une série sur un individu et sur son expérience. Regardez par exemple Buffy contre les vampires que Sandra Logier aime beaucoup. À bien des égards, on pourrait défendre qu'il s'agit d'une série féministe. Mais on entendait une auditrice un jour, parce qu'il y a eu une émission de radio à propos de Buffy contre les vampires, et en fait qui disait « Oui, enfin attendez, c'est quand même gentil, mais c'est quand même la petite blonde américaine qui n'oublie jamais de mettre son gloss avant d'aller, je la cite, « maraver des vampires ». Vous voyez ? Donc, on peut faire une lecture machiste là-dessus. Alors, moi, je ne la connais pas, cette série. C'est plus simple. Juste une dernière chose sur les séries. C'est pareil, on dit tout et son contraire sur 24 heures chrono. Vous avez des intellectuels, en fait, qui nous disent, en fait, 24 heures chrono, ça a préparé, finalement, l'infléchissement des régimes démocratiques vers des régimes, qui normalisaient l'état d'exception. Et d'autres philosophes, comme, je crois, Sandra Logier le disait, qui disaient, au contraire, ça nous rend plus attentifs aux dangers de la torture, de la mise en crise de l'état de droit. Je ne sais pas trop qui croire. En revanche, moi, ce que je vois, c'est que les séries sont devenues extrêmement populaires et que je ne crois pas que l'état du monde se soit amélioré pour autant. Et la pensée critique, parce que bon, après, l'état du monde, c'est encore un autre sujet. Oui. Alors, Hugo Clément, là, on a une analyse sur les contenus. Cette série où la jeune fille se remet du gloss qui paraît peut-être... ne pas du tout servir, enfin c'est ce que vient de dire Bertrand Cochard, une vision un peu émancipée des femmes, aussi héroïque soit-elle dans certaines actions. Enfin, il y aurait quelque chose d'un peu conformiste, plan-plan, que peut-être les intellectuels aimant les séries auraient tendance à minimiser. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, ce qui me dérange ici, c'est que bon, on vient plutôt de la philosophie, mais il y a quelque chose qui s'appelle les études cinématographiques ou audiovisuelles qui prennent au sérieux le fait qu'on puisse avoir un discours argumenté fondé sur des preuves textuelles. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les formes, mais pas simplement la forme narrative, aussi l'ensemble des dimensions de la forme audiovisuelle, la mise en scène, le cadrage, le montage, le visage du son et d'autres dimensions. Et à partir de ces éléments-là, on va débattre, on va discuter. Oui. Par exemple, si on prend l'exemple de la jeune femme qui se met du gloss, mais oui, Buffy, c'est la victime type du film d'horreur. Elle a joué d'ailleurs dans Scream, la victime. Oui. Donc il s'agissait vraiment de faire ça, puisque le but, c'est de condamner ces atroces étudiants qui violaient à l'époque sur les campus les jeunes femmes américaines, faire comprendre à ces jeunes femmes qui vont regarder la série qu'elles peuvent aussi se battre à condition de s'unir. Oui, puis c'est peut-être pas si grave le coup du gloss quand même. Enfin, je veux dire. Juste ce que je voudrais dire qui est très important, c'est que qu'il y a un désaccord sur l'interprétation de 24 heures chrono, mais tant mieux. Il y a un débat fécond entre. Alors vous allez répondre parce que vous aimez beaucoup cette série, Sandra Logis sur Buffy et les vampires. Mais après, effectivement, vous avez raison, Hugo, Clément. Il faut qu'on parle aussi un peu réalisation, temporalité, scansion des séries. Enfin, il y a quand même des très très grandes séries. Je ne sais pas, Mad Men, c'est magnifique. Enfin, True Detective, je trouve que la première saison, il y a une recherche proprement cinématographique. Bon, mais répondez sur Buffy. La quatrième aussi, la dernière. La dernière aussi, d'accord. Extraordinaire. Alors, répondez-nous un peu sur ce côté un peu facile parfois des personnages de séries qui vient d'être souligné par Bertrand Cochard. Oui, mais sur ce personnage-là, je suis pas du tout d'accord. Autant pour certains, je le serais, mais Buffy, c'est vraiment une histoire vraiment c'est une étape dans l'histoire des séries, mais du féminisme aussi. Elle a énormément compté pour beaucoup de spectatrices et de jeunes garçons aussi qui l'ont regardée. Elle a vraiment voulu transformer les mentalités en montrant effectivement une jeune fille lycéenne ordinaire qui après va tuer des vampires. Et je crois que ça a été vraiment une œuvre aussi exigeante parce qu'il y avait des dialogues de très, très grande qualité. Il y a des épisodes vraiment magnifiques, comme un épisode muet, un épisode musical. Donc, c'est vraiment l'exemple d'une grande œuvre sérielle, Buffy. On parlait aussi de Game of Thrones, hein, c'est une grande œuvre, Mad Men. Donc, il y a un corpus d'œuvres extrêmement fortes et on peut vraiment se baser là-dessus pour dire c'est pas que les contenus... Justement. Alors j'allais dire, je pense que... On n'est pas dans un trou d'air là en ce moment. Je pense que ça n'est pas fini parce qu'il y a encore des très très belles séries. Mais je crois que l'époque de Mad Men, Game of Thrones, Urgence par exemple... Engrenage. Des séries qui étaient très largement partagées en fait. Dans le monde entier. Hein, même Un Village Français, enfin, on ne parle peut-être pas assez des séries françaises. C'est mais, vrai. Bon, moi, je trouve que c'est admirable, très grand public, mais c'est mais extraordinaire aussi, comme reconstitution d'un village sous l'occupation. Ouais. Et Engrenage, c'était une très grande série aussi, mais en ce moment, on a des très grandes séries françaises. Je parlais de D'Argent et de Sang, qui est une série extrêmement exigeante par rapport à son spectateur quand même. En ce moment, la série La Fièvre, d'Éric Benzekri, qui est en train de passer, qui raconte... Vous trouvez que c'est du niveau même de Baron Noir ou d'Engrenage Alors, je vais poser la question carrément. Est-ce que vous ne croyez pas que, justement, nos modes de consommation de la série, toujours plus, tout le week-end, toute la nuit, fait aussi que les scénaristes et les cinéastes, ils doivent produire de la série maintenant, et que de temps en temps, nous avons des épisodes où on nous invente une anecdote, où ça patine un peu, parce qu'il faut meubler, il faut produire de la série. Là, je donnerai un peu raison à Bertrand Cochard, mais vous voyez, c'est à partir des contenus. Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir un côté la série à la chaîne qui défait un peu la valeur qualitative impressionnante des grandes séries des années 2010. Bah vous, de toute façon, vous n'aimez rien. Ah non, c'est pas du tout ce que je dis. Il aime bien, mais au contraire, moi j'aime beaucoup les séries. Spectateurs... Je trouve qu'elles sont bien faites. Je pense qu'il y a vraiment de la création esthétique dans les séries, mais en tant des séries qui ont une photographie extrêmement léchée, une très bonne mise en scène. Simplement, à nouveau, j'écarte l'argument du contenu parce que. De deux points de vue, ça nous conduit vers des positions relativistes, parce que de toute façon, on est bien obligé de dire, parce que c'est le cas, qu'il y a de très bonnes séries et de très mauvaises séries. Et bien évidemment, comme n'importe quelle production culturelle, il y a plusieurs interprétations possibles qu'on peut faire des séries. En revanche, malgré leurs différences, ou au-delà de leurs différences, elles ont un point commun. Ce point commun, c'est de consommer du temps. Ce point commun, c'est aussi de participer à notre surexposition aux écrans, et on peut... tout simplement pas écarter ce problème-là. Je crois que là, on a vraiment entendu. Ouais. Maintenant, Hugo Clément, sur la question, l'hypothèse d'un trou d'air en ce moment dans le monde des séries avec un côté production à la chaîne, quoi. Alors, je suis partagé parce que c'est très difficile de suivre la production des séries. Hein, c'est devenu incroyable. Même les experts, en fait, ont reconnu depuis plusieurs années qu'ils n'arrivent pas à tout suivre. Et donc, j'aurais tendance à penser aussi la même chose que vous. On trouve moins de Game of Thrones, etc. C'est-à-dire des séries qui vont un peu faire l'unanimité. En revanche, j'ai juste un bémol. Bah, allez-y. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mini-séries désormais. C'est-à-dire en 6 épisodes, des épisodes qui ne sont pas forcément de plus d'une demi-heure. Et peut-être que c'est une espèce de régulation par rapport à cette tendance trop chronophage qu'ont connu les saisons des décennies précédentes, et qu'aujourd'hui, on va vers ces formats. Et pour moi, ces formats peuvent produire d'excellentes séries. On parlait de féminisme, série Made, pour moi, que Sandra Logie m'a fait découvrir. C'est vraiment une excellente série, très pédagogique, sur la violence symbolique, la violence psychologique. Également, même le concept hein, de... je perds mes mots, je suis désolé, de contraintes, hein, quand on cherche à empêcher une femme de sortir de chez elle, etc. Donc, c'est Gaslit également. Vous parliez de Mrs. America. Gaslit, c'est sur Martha Mitchell. C'est produit par Julia Roberts. Et ça montre le processus du gaslighting en relation... De quoi? Du gaslighting. Allez-y, expliquez-nous. On ne parle pas tous. Une façon d'amener une personne, souvent dans un couple, à perdre totalement confiance en elle-même, en la faisant douter de ses sens, de ses souvenirs et de sa capacité à raisonner. Ça vient d'un film analysé par Stanley Cavell de Georges Cukor en 1944, qui est lui-même adapté d'une pièce de théâtre. Et Gaslit, ça parle aussi du Watergate, puisque Martha Mitchell, c'est elle qui a déclenché en fait le Watergate. Et ça fait partie d'un nouveau style, enfin un style de série qui s'est imposé depuis Mad Men notamment, qui est la présentation d'une époque très proche de nous, tellement proche que parfois on a pu la vivre. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de puissant. Alors, on arrive presque au bout. Bertrand Cochard, je crois que vous voulez réagir sur je voulais réagir sur ça. Mais en fait, il y a aussi quelque chose qui me gêne dans les séries, c'est qu'elles contribuent... Alors, vous voyez, pas seulement, voilà, on a bien vu tant d'écrans, tant de livres, etc. Elle contribue aussi à alimenter une dynamique sociale qui est particulièrement prégnante en ce moment, qui consiste à, formuler des problèmes sociaux dans une forme narrative. C'est-à-dire que vous voyez, le récit, il a vraiment envahi la totalité de la vie sociale. Il est en entreprise, il est à Top Chef, dans les émissions. Donc on a du récit comme ça un petit peu partout. Je pense que les séries, elles ont aussi pour... alors, ce n'est pas elles qui les créent, mais elles participent de cette tendance à nous faire baigner comme ça dans les récits. Et ce que je dis dans ce livre, qui est aussi un livre sur l'activité philosophique elle-même, c'est que le propre de la philosophie, c'est au contraire plutôt de nous émanciper à l'égard des récits. Vous voyez, le premier texte philosophique de l'histoire de l'humanité, on pourrait dire que c'est... c'est le poème de Parménide. Et justement, le poème de Parménide, qu'est-ce que c'est? C'est un texte dans lequel Parménide va rompre avec une analyse narrative de la réalité au profit d'une analyse logique, au moment où il va dire « l'être est, le non-être n'est pas ». Ça, c'est logique. Et donc, vous voyez, ce tout récit, cette espèce de story-saving, cette narration un petit peu excessive, ce sont pas les séries qui les créent, mais elles alimentent aussi ça. Et c'est ce contre quoi je m'inscris en porte-à-faux dans le livre. Dernier mot à Sandra Logier. Pas très long, s'il vous plaît, parce qu'après, on a un générique célèbre à vous faire entendre. Magnifique. Je crois que ce qui me gêne finalement dans des positions critiques comme celle-là, hein, même si bien sûr, je suis d'accord qu'il y a des séries qui sont pas très bonne qualité, et c'est bien possible en effet qu'il y ait un creux et qu'il y ait un moment qui soit terminé. Moi, je suis assez d'accord avec cela. Cela dit, ce genre qui se développe de critique, d'une sorte d'addiction aux séries chez nos concitoyens, c'est vrai que moi-même, ça me gêne un peu par rapport à mon intérêt initial pour les séries, qui est vraiment quelque chose qui est apprécié par le plus grand nombre. C'est-à-dire, finalement, de quel droit on va décider que les gens sont pas capables même de se rendre compte de ce qu'ils regardent et qu'ils sont aliénés, en fait. Je pense que, finalement, on pourrait se demander s'il n'y a pas là aussi une forme de... peut-être manque de confiance aussi dans ces spectateurs que nous sommes, qui sont quand même complètement capables d'apprécier, de pas se laisser intoxiquer ou aliéner par les séries. I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. I'll Be There For You de The Rembrandts, c'est le générique, vous l'avez sans doute reconnu, de la série Friends, qu'on a vu et revu entre 1994 et 2004 et qu'on revoit encore. À présent, je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worms, voici le pourquoi du comment. Comment la loi répond-elle au tragique ? On peut se demander pourquoi on est toujours surpris par ce qui s'appelle à chaque fois le retour du tragique. C'est un peu fatigant ce retour. On est toujours surpris. Est-ce qu'on ne devrait pas s'y attendre ? Est-ce qu'il n'y a pas une part d'illusion qui nous fait dormir trop tranquille, comme si le tragique était quelque chose qui sommeillait, qu'il ne fallait pas oublier ? En effet, au fond, non seulement de notre condition humaine en général, mais de nos cœurs et de nos actes individuels, de nos transgressions, de ce qu'il faudrait appeler véritablement des violations, car le tragique vient toujours briser des relations humaines, non seulement individuelles, mais intime et aussi au cœur de la cité, au cœur du collectif. Cette illusion, pourtant, n'est pas totalement illusoire, car les humains ont inventé des réponses au tragique. Le tragique n'est pas resté sans réponse, de même que la maladie, de même que les grandes épreuves de la vie humaine, la misère qui a suscité l'économie, la maladie qui a inspiré la médecine. Eh bien, le tragique a bien entendu eu des réponses dans la vie humaine. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de réponse. Et notre part de surprise, de sidération, lorsque revient un acte tragique entre les humains, une guerre qui vient déchirer de manière interne un pays, une guerre civile ou entre des sociétés elles-mêmes, quand la guerre revient, nous sommes légitimement surpris. Pourquoi sommes-nous légitimement surpris ? C'est parce que le sommeil de notre raison n'est pas entièrement illusoire, ne répond pas seulement à un refoulement psychique qui certes a sa part de responsabilité, mais aussi à de véritables réponses qui cependant sont toujours trop faibles, qui ne doivent pas oublier ce contre quoi elles ne doivent jamais cesser de lutter. Or, ces réponses ont toujours quelque chose de précis. Face au tragique, ce n'est pas la philosophie toute seule qui peut résister. Ce sont des institutions qui prennent la forme d'interdiction. Le tragique, dans sa réalité profonde au sein des humains, a toujours inspiré des lois qui posent des limites. Il y a les grands interdits de l'histoire de l'humanité dans toutes les religions, dans toutes les cultures. Ainsi, les 10 commandements dans la Bible, le « tu ne tueras point », mais aussi « tu respecteras tes proches », parce que le tragique est toujours intime et ne cesse de revenir. La psychanalyse l'a toujours montré et Freud a toujours dit que la loi seule était la réponse, l'interdit est la réponse à la transgression et à la violation. Mais il n'y a pas seulement les grands interdits religieux, il y a les grands principes politiques, les grands progrès des grands interdits, y compris dans les relations internationales, l'interdiction de certains crimes, l'obligation aussi, et c'est très important, d'une reconnaissance positive, morale et politique d'autrui, d'une reconnaissance des citoyens les uns par les autres, d'une reconnaissance des peuples les uns par les autres sous la forme au moins d'entités politiques et d'États, s'il le faut, pour que les uns se reconnaissent et s'interdisent mutuellement certains actes. Le but de la reconnaissance étant aussi l'interdiction, la position de la limite qui permet d'empêcher le retour du tragique sous sa forme précise d'actes qui viennent empêcher les relations humaines. Ainsi, les lois ont toujours été des remparts contre le tragique. Et dans les lois, il faut aussi inclure les lois de justice sociale et économique, car bien entendu, un minimum d'interdits de dépassement de violence permet aussi d'éviter la violence économique et sociale pour résister à cette violence que la loi n'aura pas empêchée. Ainsi, seules des lois peuvent répondre au tragique, des règles civiles dans les sociétés, des règles internationales entre les sociétés, une véritable reconnaissance politique qui fait que les citoyens se reconnaissent avec certains absolus, certains interdits entre certaines règles qu'il faut absolument respecter, car le tragique n'est pas seulement un terme vague, une sorte de mal qui court, une sorte d'épidémie contre laquelle on ne peut rien. Elle a des raisons, cette épidémie, et donc elle a des règles et des réponses, et ces réponses seront toujours entre les humains de nature politique. Merci Frédéric Worms et merci Sandra Logier, Hugo Clémaux et Bertrand Cochard, philosophes qui ce matin nous ont aidés à réfléchir aux séries. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Jean-Guilain Meige. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Axel Dubois, Chaïma Giboire, Anna Fulpin et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.